بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فنكمل ما تبقى من هذا التفسير العظيم من سورة الأعلى. قد وصلنا إلى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. فهناك الله عز وجل قسم الإنسان إلى قسمين، قسم الناس إلى قسمين: الذي يخشى الله سبحانه وتعالى، الذي يخشى ربه سبحانه وتعالى يعني يخافه. والخشية هي الخوف مع العلم بعظمة الله عز وجل. الفرق بين الخشية والخوف إنما هو في علم الله عز وجل، يعني بمعنى الناس الشخص يعلم أن الله عز وجل مثلا شديد العقاب، أن الله عز وجل غفور رحيم إلى آخره. فالفرق بين الخشية والخوف في العلم، فتكون الخشية أبلغ من الخوف، تكون أبلغ من الخوف. وقد ذكر الله عز وجل صفات المؤمنين الذين يخشون الله سبحانه وتعالى ويخافون الله عز وجل، فقال في صفة عباد الرحمن: والذين إذا ذكروا بآية ربهم لم يخروا عليها ثم وعميانا. كذلك إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فالله عز وجل يذكر أن المؤمنين لهم خشية من الله سبحانه وتعالى، فيثني عليهم بهذه الخشية، فسماهم المؤمنين وسماهم كذلك عباد الرحمن. فهو الذي يخشى الله عز وجل، إذا سمع كلام الله عز وجل، إذا سمع الآيات وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر، وهذا الذكر يؤثر في نفسه، هذا الذكر يؤثر في نفسه. Donc nous sommes arrivés à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Va se souvenir celui qui craint et va s'en écarter le très malheureux. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset donc mentionne deux catégories de personnes ici: celui qui craint et celui qui s'en écarte. Donc les gens sont au nombre de deux: celui qui profite des rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala et craint, et celui qui s'en écarte et sera parmi les malheureux, les plus malheureux. Et craindre Allah Azza wa Jal, c'est le fait de craindre Allah avec de la science. C'est ça la différence entre la crainte et la peur. Le khashiyah, donc, par rapport à l'khauf, à la peur, la différence c'est que il y a plus de gens qui ont peur d'Allah. Mais moins sont ceux qui craignent réellement Allah avec cette science. Donc la khashiyah, c'est la crainte accompagnée de science. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala mentionne et vante, donc fait les éloges de ceux qui le craignent subhanahu wa ta'ala. Ici, lorsqu'il mentionne les serviteurs d'Allah, Ibad al-Rahman, les serviteurs du miséricordieux, il dit bien que ce sont ceux, lorsqu'on leur mentionne ces signes, les signes de son Seigneur, ils n'y restent pas ni sourds et ni aveugles. Hein? Et donc il ne va pas rester ni sourd ni aveugle vis-à-vis de ces versets. Encore une fois, Allah Azza wa Jal, donc il utilise les meilleurs membres. Donc l'ouïe et la vue. Donc voici en réalité celui qui craint. Et dans un autre verset, lorsqu'Allah mentionne les croyants, il dit bien ceux. Donc certes les croyants sont ceux, si on leur mentionne les versets de son Seigneur, qu'est-ce qui leur arrive? Donc leur cœur frémisse. Et le cœur frémit par rapport justement à cette crainte, par rapport en réalité à la crainte. Donc il faut qu'en réalité, donc, si on se rappelle des signes et des versets d'Allah Azza wa Jal, normalement on doit être touché. Il faut que ces versets ont un impact sur nous. Si les versets n'ont pas du tout d'impact, donc en réalité on se pose des questions. Comment se fait-il que si on passe, en train de dire, mais enfin, si on passe sur des versets qui nous mentionnent l'enfer qui nous mentionne le jour dernier, et ils sont nombreux, ils sont très nombreux. On doit normalement être touché. Si on n'est pas touché, donc en vérité, il vaut mieux en vérité réfléchir sur soi-même, se poser des questions. La deuxième partie, c'est donc, donc va s'en écarter le plus malheureux. Hein? Donc en vérité, il s'en éloigne. Et il se détend de cela. Allah Azza wa Jalla zakar annahu shaqi, qala ashqa. هذا اسم تفضيل اسم تفضيل لأنه هو أشقى الناس في الدنيا والآخرة لأنه أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى الله ici سبحانه وتعالى il a mentionné le plus malheureux, c'est un superlatif, il n'a pas dit le malheureux, le shaqi. Donc il a dit qu'il était le plus malheureux car en vérité il s'est détourné des signes d'Allah Azza wa Jal, mais il sera le plus malheureux non seulement dans la vie d'ici-bas mais aussi dans l'au-delà. Donc, Shaqi, c'est le contraire de quoi? Diddu al-Sa'ada. Donc, au contraire, en vérité, du bonheur. Diddu al-Sa'ada. Wa fi surat al-Hud, fa amma alladhina shaqaw fa fi an-nar. Fa hadhihi an-natijatu al-Shaqi. Fa hadhihi an-natijatu al-Shaqi. Donc, voici donc le résultat du malheureux dans le verset où Allah Azza wa Jalla dit, certes, ceux qui ont été malheureux seront en enfer. Wa qala kadhalik, وأما الذين سعدوا ففي الجنة العكس بالعكس. Et ici il mentionne le contraire. Tandis que ceux qui sont bienheureux seront au paradis. Seront au paradis. فالشقي لا ينتفع بذكر الله سبحانه وتعالى بخلاف من يخشى بخلاف من يخشى لأنه لا يخشى أصلا. تمر هذه الآيات وهو لا يتذكر ولا يفكر فيها. فعلى المسلم أن يشبه أو يتشبه بهذا الشخص. Donc lui, si les versets lui sont mentionnés, il n'est pas touché du tout par ces versets. Voire il se détourne, il s'en écarte. Donc le musulman ne doit pas le ressembler. Il doit en vérité chercher en vérité à ressentir ce que Allah Azza wa Jal a voulu de lui. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu de lui dans ces versets. ثم قال الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى فهو وصل إلى أين؟ إلى النار الكبرى. نعم هي الكبرى لأنها أكبر من النيران التي حصلت من آدم من أول نار إلى آخره. ليس فقط يعني أكبر نار في هذه الدنيا، إنما جميع النيران التي شعلت من آدم من أول نار إلى آخر النار يوم القيامة، فالنار الآخرة ولا نار جهنم أكبر منها، أكبر منها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن النار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. قال إن النار الدنيا، أي نار؟ يعني جمع النار الدنيا، هذا عام. Donc ici, donc celui qui va goûter, donc qui va surpasser par le grand feu. Et il ne va ni vivre et ni mourir dans ce feu. Et le grand feu, donc, c'est le feu de la Géhenne, l'enfer. C'est le feu de la Géhenne, c'est le feu de l'enfer. Et ce feu-là, donc le feu de l'enfer, il est, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, le feu donc, de la vie d'ici-bas est une partie parmi 70 parties du feu de l'enfer. Donc, c'est-à-dire que le feu de l'enfer est de quoi? Il se retrouve avec 69 parties en plus, ou bien il est 70 fois plus grand. Donc on peut dire les deux, 69 parties en plus ou 70 fois plus grand. Et lorsqu'on parle du feu, de la vie d'ici-bas, on parle de tous les feux. Hein? De l'allumette qui est allumée, hein? C'est-à-dire du premier feu jusqu'au dernier, tous les feux, confondus. Même si c'était l'allumette qui est allumée. Tu prends tous ces feux-là réunis, et ben c'est qu'une partie par rapport à par rapport au feu de l'enfer. Et on ne parle pas d'un feu, de n'importe quel feu, du premier feu venu. Là, on parle de tous les feux réunis. C'est pour ça qu'on dit le feu de la vie d'ici-bas, Nar al-Dunya, lequel on parle. On parle en vérité de tout. On mentionne tout, de Adam, donc du premier quoi, du premier feu qui a existé, jusqu'au dernier feu qui existera. Donc elle est bien sûr le Kubra. Et puis, donc il va bien sûr donc, vivre, il va être touché par ce feu. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Yani, la yamutu fiha. Wa la yahya. كيف هذا؟ كيف ذلك؟ كيف الشخص ليس بميت وليس بحي؟ يعني هو لا يرزق حياة السعادة، لا يرزق حياة السعادة، ولا يموت، ويقع حي ولا يموت، لكن حياته ليست سعيدة. فلذلك الله عز وجل قال لا يموت ولا يحيا، لا يموت فيها، هذا معروف. فكيف لا يحيا؟ لأنه لا يعيش معيشة طيبة، فلذلك لا يحيا، كأنه يعني هو الشقي، فكأنه ليس بحي، كأنه ليس بحي، ليته ميت بالنسبة هو، ليته يموت، لفرح لو مات، لفرح لو مات. لذلك يقولون أهل النار يعني ونادوا يا مالك، يعني خزن الأرض، خزن الجهنم، يا مالك هذا اسمه، يعني خازن الجهنم، يقول ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك. أرادوا الموت الحقيقي، أرادوا الموت ولا يرجعون إلى الحياة. Donc en réalité ils ne vivent pas et même ils veulent mourir en réalité. C'est pour ça qu'ils demandent à l'ange qui surveille cet enfer. Ils ont dit oh Malik, que ton Seigneur quoi, donc que ton Seigneur nous prenne une fois pour toutes, hein, nous fasse périr une fois pour toutes. فقالوا ربك الله عز وجل ما جعلهم أن يقولوا ربنا، مع أنهم يعرفون بأن الله عز وجل هو الرب، عرفوا ذلك. لماذا قالوا ربك؟ لأن الله عز وجل ما سمح لهم أن يقولوا ربنا، ما سمح لهم، لأن أخلاصهم دخلوا في النار، فلا يستحقون أن يكونوا عبادا لله عز وجل يعني حقيقين، فلذلك ما قالوا ربنا. Donc ici ils ont dit donc que ton Seigneur nous prenne. Allah n'aura pas besoin de dire que notre Seigneur. En vérité, ils ne méritent pas d'être serviteurs réels d'Allah Azza wa Jal, là où ils se retrouvent. C'est pour ça qu'ils ont utilisé Rabbouk. Et c'est Allah qui a voulu que ce soit comme ça. Donc ça n'a pas été permis pour eux de se permettre de pouvoir dire Rabbouna, notre Seigneur, mais plutôt ton Seigneur. Car en vérité, Allah ne veut pas avoir de lien avec eux. Alors donc il n'y a plus de lien dans le sens où il les aime. Mais en vérité, donc il ne les calcule pas. Fa al-Malik yukhbiruhum. وهذا من أشد العذاب. هذا من أشد العذاب. لما قال يعني إنكم ماكثون. قال إنكم ماكثون. فهذا شيء شديد جدا. لأن عرف الآن خلاص ما في محل. ما في مجال حتى نموت. Et si l'ange répond, il dit, certes, vous allez y demeurer. Vous allez y demeurer. Et ça, en vérité, c'est parmi les châtiments les plus forts. Le fait de savoir psychologiquement qu'ils vont rester. Ils savent réellement, maintenant, il n'y a pas d'équivoque. C'est pas, hein, on va essayer quand même, qu'Allah nous fasse périr. Donc là, il y a la réponse, elle fait que c'est plus la peine. Donc la réponse, c'est non, vous allez rester éternellement. Hein, donc là, c'est un décret. C'est un peu comme si la personne était au tribunal, elle lui vient, en vérité, le décret, maintenant, il connaît sa peine. Et là, ils connaissent leur peine, en réalité. C'est qu'ils vont rester éternellement en enfer. Et ça, c'est dur. De recevoir justement ce décret-là. La question, en vérité, c'est une parole qui est dure pour eux, qui en vérité est très dure. Fahum, l'ayartahum. Et eux, en vérité, ne vont pas se reposer. Ma'adam raha, fi hadhihi al-jahannam. Laisad dar raha, bikhilaf al-jannah. Bikhilaf al-jannah. Ou al-jannah, Allah Azza wa Jalla, ada'a ma fi al-jannah. ما لا يوجد في هذه الدنيا. الله عز وجل وضع في الجنة ما لا يوجد في هذه الدنيا. On voit que c'est le contraire du paradis. Tout ce que le paradis, Allah عز وجل y a placé ce que l'on ne retrouve pas dans la vie d'ici-bas. Là, فيما نرى, là, فيما نسمع, là, فيما نذوق, là, فيما نلمس, là, في كل شيء. Donc tout ce qu'il y a au paradis est totalement différent de ce qu'il y a ici dans la vie d'ici-bas, même par ce qu'on voit, par ce qu'on entend, par ce qu'on goûte, parce qu'on respire, hatta raïha, donc même par le respect, par le fait de sentir, et aussi par le fait de toucher. Donc tous les sens qui existent ici, ils seront différents. Tout est meilleur dans la vie d'ici, dans l'au-delà, mais dans tous les sens, même par rapport à ce que tu vas toucher. Tout est totalement différent, et rien n'est quoi comparable à ce qu'il y a ici dans la vie d'ici, dans ce monde-là. Thumma yaqul, qad aflaha man tazakka. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. يعني قد أفلح من تزكى، هو الذي طهر نفسه من التزكية من التطهير، فهو طهر نفسه، فهو وحد الله عز وجل، فبعد عن الشرك عن الكفر عن المعصيه عن المعاصي وكذلك عن البدعة، عن كل شيء، كل ما نهى الله عز وجل عنه، سواء يكون من الشرك والكفر والعصيان والبدعة. فالفلاح إن هي كلمة جامعة بمعنى الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. Donc Allah عز وجل ici dit bien aura donc réussi celui qui sera purifié, celui qui se sera purifié. Et avoir réussi, en réalité, donc c'est réussir dans ce qui est demandé. Tu as réussi à obtenir ce qui est demandé. Et en plus, tu as été protégé. Tu as été sauvé de quoi? De ce qui fait peur. De ce que tu réprimandais. De ce que, en réalité, tu avais peur. C'est-à-dire que tu avais une répression. Ou plutôt, donc tu repoussais quelque chose. Tu en as eu peur. Et pour toi, tu as été sauvé de cela. C'est ça le fawz. Et le Razul dit bien, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ فَمَنْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ فَهُمْ الَّذِينَ ذُكِلُوا حَتَّى فِي بِدَايَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ كَذَلِكِ يعني من صفات المؤمنين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب فهؤلاء المتقون الذين يؤمنون بالغيب وإذا زدت في هذه الآيات فهم المفلحون هم المفلحون فالذي آمن بالله عز وجل وبالملائكة والكتب والرسل والقدر وكذلك اليوم الآخر كل هذه الصفات وكل هذه الأركان الستة من الإيمان بالغيب هي من أفضل ما أدخل في قلب المؤمن أفضل شيء الذي أدخل في قلب المؤمن هو الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وكذلك القدر فهم الذين أفلحوا والله عز وجل قال يعني كذلك قد أفلح المؤمنون فهم مؤمنون وأفلحوا يعني هم مؤمنون ويؤمنون بالغيب طبعا أول شيء يؤمنون بالغيب هذا أول شيء فهم الذين زكوا أنفسهم هم الذين زكوا أنفسهم قد أفلح من تزكى donc en réalité ceux qui se sont purifiés ce sont donc ceux qui ont réussi et Allah lorsqu'il parle de réussite dans certains d'autres versets donc si le même verbe est revenu, donc on comprend que ce sont les qualités qui reviennent. Quand Aflah al-Mu'minun, certes, les croyants ont réussi. Et Allah parle bien dans le début de Sourate al-Baqarah de ceux qui ont réussi. Il dit bien, donc, certes, voici un livre, nul doute sur ce livre, qui est une guidée pour ceux qui craignent, ou pour ceux qui sont pieux. Et Allah ici mentionne qui sont les pieux. Donc c'est comme s'il y avait ici deux points, ouvrez les guillemets, ou bien le tefsir, en vérité, c'est le tefsir de ce qui vient. Donc c'est Al-Ladin Ayyub Minun Abil Ghaib, ceux qui croient en l'invisible. لذلك قال الشيخ الإسلامي تيمية رحمه الله لذلك يعني بالنسبة هذه الآية قد الإيمان بالغيب أصل الإيمان la croyance en l'invisible c'est l'origine de la croyance أصل الإيمان l'origine de la croyance donc le fait de croire en Allah en ses anges en ses livres en ses prophètes au jour dernier et au destin qu'ils soient bons qu'ils soient mauvais voici donc les six piliers de la foi donc voici en réalité ceux qui se seront purifiés وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى إذا سمع النداء ذكر الله أكبر يسمع الله أكبر الله أكبر فهو ماذا يفعل؟ يمشي يصلي مع المسلمين يصلي في المسجد مع المسلمين يركع مع راكعين فهو الذي ذكر اسم ربه فصلى إلى طول النوم صلى الله إلى بكي يصلي فهكذا فصلى نعم دوك صلى مع يعني الجماعة فهذه يعني تشمل يعني هذه الآية تشمل جميع الصلوات وأفضل الصلاة في الأسبوع ما هي من يعرف من ما أفضل صلاة الجمعة صلاة الجمعة هي الأفضل في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر أفضل صلاة في يعني الأسبوع إنما هي صلاة الصبح يوم الجمعة، يوم الجمعة هي أفضل صلاة في الأسبوع. وفي دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع الجماعة، صلاة الصبح يوم الجمعة مع الجماعة، يعني هي أفضل صلاة التي تكون في الأسبوع. Lorsque Allah dit bien qu'il a prié, donc il s'est souvenu de son Seigneur, et bien sûr, donc il a prié. Il a prié. Donc il a entendu l'aden. Et ce qu'il fait, lui, bien sûr, il va à la prière. Il entend que Allah dit bien, donc Allah nous a appris, et le Nabi sallallahu alayhi nous a bien appris que l'aden c'est Allah Akbar, Allah Akbar. Ashhadu anna ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya ala salat, hayya ala falah, ilakhiri. Donc tout ça, en réalité, tout ce qu'il y a dans l'aden. في الأذان الذي يفكر ويتأمل ما في النداء يرى أن الله عز وجل قال للناس الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل شيء. فهذا اسم الله عز وجل مذكور فيه. بعدين جاءت الشهادة، أليس نحن نقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. فالله عز وجل يعني في حتى في الذكر يعني قرنا بين لا إله إلا الله والله أكبر. فعمر بن الخطاب قال يعني الله أكبر من كل شيء، أو الله أكبر كبير. في أشياء كبيرة، الجبال كبيرة، السماء يعني بعيدة وكبيرة، أما الله عز وجل أكبر، أكبر كبير. فلذلك تقول الله أكبر في صلاتك. وإذا قلت الله أكبر في صلاتك فاعلم أن كل ما يوجد في هذه الصلاة راجعة إلى تفسير الله أكبر. كل ما تبحث في صلاتك ترجع إلى كلمات الله أكبر. لذلك نبدأ بالله أكبر. Donc ici, lorsque Nida, si on parle en vérité du Nida et des secrets qu'il y a dans l'Aden, c'est qu'on commence par Allah Akbar. Et on l'associe avec La ilaha illallah. N'est-ce pas que dans le rappel, on dit Subhanallah, Alhamdulillah, et après La ilaha illallah, Allah Akbar. C'est collé. Et ça a un lien. Ça en vérité un lien. Donc l'unicité, le fait qu'Allah est plus grand que tout. Omar ibn Khattab dit par rapport à cette parole que ça veut dire que Allah est le plus grand des grands. Il y a des choses qui sont grandes, des créatures, des montagnes et autres. Mais Allah seul est le plus grand des grands. Et tout ce qu'on retrouve dans cette prière, c'est en vérité le tafsir de ce qu'on retrouve dans Allah Akbar. Tout revient à ce par cette parole-là, Allah Akbar. Et après, donc ici, Hayya al-Salat, hein, donc venez à la prière. Hayya al-Falah, venez à la réussite. Et Anna al-Salat, Hiya al-Lati, Atuflihu. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال حتى وعطوا كون فال فلاح ici avec ces versets et avec la prière. Encore une fois la réussite. Vu de la réussite. لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Car en vérité la prière elle va interdire le blâmable et la turpitude. Tu vas te corriger. Tu vas te corriger petit à petit. Tu vas en vérité améliorer ta situation vis-à-vis de ta prière. Donc c'est quoi en vérité? C'est une purification premièrement. Et pour finir, c'est quoi? C'est une réussite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une purification de la vie d'ici-bas, et en vérité, tu vas vers la réussite pour vers Allah subhanahu wa ta'ala. ولذلك نقول كذلك يعني في الرد على هذه وهذا النداء لا حول ولا قوة إلا بالله، صح؟ حيا على الصلاة، حيا على الفلاح، ماذا نقول؟ نقول نحن لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ حتى تعرف أن ما جعلك أن تأتي إلى هذا المسجد هذا من حول الله عز وجل وليس من قوتك أنت، هذا من فضل الله عز وجل ومن حوله وقوته سبحانه وتعالى. وأنت ما دمت أتيت 5 مرات في المسجد لكي تصلي مع المسلمين فتحتاج إلى قوة، تحتاج إلى الصبر، تحتاج إلى إيمان. فمن يعطيك هذه الأشياء إلا الله عز وجل. Pourquoi on dit لا حول ولا قوة إلا بالله؟ Il n'y a de puissance et de force que en Allah lorsqu'on entend venez à la prière, venez à la réussite. C'est quand tu as besoin d'Allah Azza wa Jal. Ici c'est en vérité al-isti'ana. Il est tahtaj al-isti'ana min Allah Azza wa Jal. Tu as besoin en vérité d'aide de qui? De Allah Azza wa Jal. Tu viens 5 fois par jour. Tu viens, donc tu te lèves, tu passes sur tes affaires. Ça demande des choses. C'est pour ça qu'on dit la hawla wa la quwwata illa billah dans l'adab. Car tu as besoin. Allah Azza wa Jal, il a dit dhakarana fi. فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين. فهو الذي ذكرنا أن نستعين به سبحانه وتعالى لعبادتنا. Pourquoi Allah dit c'est toi que nous adorons et c'est toi que nous demandons de l'aide. Dans le même verset, sans encore une fois un lien. Quel est le lien? C'est que tu as besoin d'aide d'Allah pour adorer, tout simplement. فشيخ الإسلام التيمية في هذه الآية يعني وإياك نعبد وإياك نستعين قال يعني نظرت يعني بمعنى كلامه وليس حفظا قال يعني بمعنى كلامه أنه نظر إلى آية التي تشمل جميع معاني القرآن تشمل القرآن كله أو كله. Donc, chez l'Islam Timia, il a dit qu'il a regardé dans le Coran, il a recherché dans le Coran un verset qui pouvait en réalité englober tout le Coran, qui pouvait avoir tous les sens du Coran. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le Coran, le retrouver dans un seul verset. فَقَلْ بَأَنَّهُ وَجَدَهُ فِي إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. Il a dit qu'il a retrouvé dans ce verset-là, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. وَتِلْمِيدُهُ إِبْنُ الْقَيِّمِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَلَّفَ كِتَابًا أَلَّفَ كِتَابًا يعني مَا دَرَجَ السَّالِكِينَ بِمَنْزِلَتِهِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. Et son élève, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a donc écrit un livre par rapport à ce verset-là. Par rapport à ce verset-là. Fayaqul, yani, fi'ad al-kitab, anna iyaka na'budu nisfud din, wa iyaka nasta'in nisfud din. Yani, al-inaba wa al-tawakul ala Allah. Yani, al-ruju ila Allah azza wa jal, bil-ibada, wa al-tawakul ala Allah azza wa jal, fi hadhi al-ibada. Wa Allah azza wa jal, huwa alladhi dhakara hatta fi ayah ukhra, hadhi al-isti'ana. Et Allah Azzawajal aussi, donc ici, il dit qu'il a donc dit que Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons, c'est la moitié de la religion, et c'est toi dont nous demandons d'aide, c'est l'autre moitié de la religion. Vous voyez un peu les points importants, ils se retrouvent où? Dans la prière. Hein, les meilleures paroles, les points les plus importants, ils se retrouvent dans en réalité les meilleures adorations. C'est pour ça qu'ici, Allah Azzawajal, il mentionne énormément la prière. Dès qu'il mentionne l'adoration, hein, donc les actes, il va mentionner la prière. Tout de suite, il commence par mentionner la prière lorsqu'il parle de l'adoration gestuelle, ce dont le corps va faire. Et ici, donc Allah est toujours dans Sifat al-Mu'minin, Inna al-Mu'minin al-Ladina idha dhukra Allah wa jilat qulubuhum wa idha tuliyat alim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun al-Ladina yuqimuna as-salat. Donc on voit que Allah ici dans ces versets-là mentionne les actes du cœur. وجلت قلوبهم وإذا توديت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كل هذه يعني أعمال قلبية. Ce sont que des actes du cœur. Et à la fin, il dit bien ici, donc ceux qui vont en vérité faire le lien entre les actes du cœur et les actes apparents, il dit وعلى ربهم يتوكلون. Ils terminent par ça et ils s'en remettent à Allah. Ils placent totalement leur confiance en Allah. Et après, il dit الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Et ceux qui prient, donc ils accomplissent leur prière et qui donnent de ce qu'on leur a octroyé. Mais avant ça, il y a quoi? Wa'ala rabbihim yatawakkalun. Donc ils ont besoin de ce tawakkul ala Allah, cette force, pour pouvoir quoi? Adorer. Hein? Donc c'est ça en vérité. Fa'ida azamta, fatawakkal ala Allah. Si tu as l'envie forte, l'azima c'est l'envie forte, donc quoi? L'envie forte d'adorer, de faire justement les bonnes actions, fatawakkal ala Allah. Donc place ta confiance en Allah. C'est pas indissociable, c'est associé. Tu as besoin de cette force. Tu as besoin de l'aide d'Allah Azzawajal et de savoir que tu vas demander l'aide d'Allah Azzawajal pour pouvoir en vérité adorer de la meilleure façon. C'est pour ça qu'on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Donc c'est un aparté, mais en vérité qui a à voir en vérité avec les bienfaits de la prière. Qui en vérité a à voir avec les bienfaits de la prière. Puis ici, bien sûr, Allah Azzawajal dit bien, après cela, il rappelle aux gens, de ceux qui délaissent la prière. Et déjà en vérité, afin que les gens n'oublient pas qu'ils doivent tout le temps adorer Allah Azzawajal. Ben tu fulun al hayat al dunya. Certes, vous faites devancer la vie de d'ici-bas. Bel tout chenou la hayat al-dunya. Ou al-akhra tout chenou abqa. Ahoula, yani, yufadiloun, ou yufibboun hayat al-dunya. Fa, a'taou kulla chili hadith al-dunya, ou a'taou al-qalil, l'Illah Azza wa Jal. Donc eux, ils ont donné en réalité beaucoup de choses pour la vie d'ici-bas, mais ils donnent très peu pour Allah Azza wa Jal, pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. يعني من أوقاتهم من أموالهم من أجسامهم كل هذه الأشياء donc de leur temps de leur bien de leur corps إلى آخره ils donnent peu بل تؤثرون الحياة الدنيا وهذه الصفات لم تكن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ألا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه يعني قبل صلاة الصبح صام تبع جنازة وكذلك أعطى من المال من الصدقة وزار مريضا قبل صلاة الصبح فانظروا إلى البركة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل الصبح لو نحن مثلا صلينا الصبح في الوقت لفرحنا، فكيف بحوله قبل الصبح بدأوا وفعلوا يعني عدة عبادات لبركة التي تكون في الأوقات. Tellement vérité dans la baraka dans leur temps, les compagnons du prophète, on prend un exemple comme Bakr al-Siddiq, il a fait 4 adorations avant le soubh. Il s'est levé, il a jeûné, il a visité un malade, il a donné en aumône et il a suivi un cortège funèbre. 4 choses. Wa ta'rifoun, al-natija, al-jannah. Et al-jannah. Le résultat de cela, c'est en vérité le paradis. Fahum yu'firoun al-aqs. Yu'firoun yani al-akhira. فلذلك في الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تجد يعني الدنيا قبل ما جعلوا الدنيا أكبر همهم، فهذه الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعل الدنيا أكبر مهمنا. فالعكس نحن نعمل صح، نعمل نكتسب من الحلال و يعني حتى نستطيع يعني أن نطعم الأولاد إلى آخره، لكن لا ننسى الدين. Bien sûr, il faut travailler, je ne dis pas le contraire. Il faut avoir des bonnes études, pourquoi pas des études et la clé, donc des choses qui vont nous servir. Mais on n'oublie pas qu'on doit tout le temps, bien sûr, être adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les sahaba et les rasoulas sont l'axe. Ils ont dit que les gens ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Ils faisaient passer les gens avant eux, même s'ils avaient besoin, fortement besoin de la chose. S'ils ont besoin de quelque chose, mais ils voient que l'autre a besoin, plus il lui donne. Voire même s'il n'a peut-être pas besoin de plus. Il lui donne de toute façon. Il lui donne. Donc vous voyez un petit peu la différence qu'il y a par rapport à cela. Raqal al-Nas. Al-An yani bisifa amma yani. Al-Nas yani. Khas yani. Afaru al-Dunya ala hadihi yani ala al-Akhira. Wa Allah s'il yukhbiruhum. Wa al-Akhira tu khairun wa abqa. Et il est min jamel ahwal, min jamel aujour. Donc en vérité, l'au-delà est meilleur sur toutes ses facettes. On l'a dit tout à l'heure, hein, c'est un meilleur goût, c'est un meilleur toucher, une meilleure vue, une meilleure ouïe, tout est meilleur, dans tout. Il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de toutes ces antices qui sont dans le cœur, il n'y a pas tous les défauts que l'on retrouve sur nous. Non. Donc on retrouve qu'on voit qu'en vérité c'est différent. La yamus un fi anasab, wa ma hum minha bi mukhrijin. Il n'y aura pas de difficulté. Il n'y aura pas de difficulté pour eux. Il n'y aura pas de fatigué. Il n'y aura pas de fatigue pour eux. Il n'y aura pas. Ils ne vont sortir de cet enfer, de la fin de ce paradis. Ni ils ne vont sortir en vérité de ce paradis. Donc, c'est meilleur, parce qu'il n'y a pas de nasab. Et c'est plus long. Abqa, parce que l'imada abqa, les bin mukhrijin. Min hadil jannah. Car en vérité, ils ne sortiront jamais de ce paradis. Ils jamais vont sortir. كذلك الله عز وجل ذكر هذا ليس فقط لنا حتى للأمم السابقة. فلذلك قال يعني إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Certes, ces paroles-là étaient déjà dans les premiers livres, dans les premiers feuillets, les feuillets d'Ibrahim et de Moussa. فبعض العلماء قالوا أن موسى يعني حتى هو يعني جاءت عنده يعني بعد الصحف. ليس فقط التوراة، بعض العلماء قالوا التوراة وبعض العلماء قالوا هي التوراة مع الصحف. Donc par rapport aux صحف موسى، نقول صحف يعني إبراهيم. On va accepter comme ça, parce qu'on ne connaît pas de livre spécial à Ibrahim. Donc on va dire صحف. Mais موسى, on lui connaît un livre spécial. التوراة. التي كانت لعدة الأنبياء. Beaucoup d'envoyés ont profité de la Torah. ومنهم داود، سليمان وداود. يعني حكم الناس بالتوراة. La Torah est descendue donc chez Daoud et Moussa, parce qu'ils sont venus après Moussa. Donc la Torah et la Torah pour Moussa, pour Daoud et pour Souleymane, par exemple, parmi les envoyés d'Allah Azza wa Jalla. Mais on dit que Moussa aussi l'aurait reçu, certains savants disent que Moussa aussi l'aurait reçu, donc ces feuillets-là. فهذه الصحف يعني فيها من العبر والمواعظ وما يشفي الصدور. Donc on retrouve en vérité dans ce livre-là, en vérité, parmi les exhortations, et parmi les exemples, et aussi parmi ceux qui vont en vérité guérir, hein, dans les cœurs. Allahu a'lam. Donc on a terminé pour, de façon générale, de ce qui est de cette sourate. On a dit sourate al-Okhra, soit al-Ghashiya, soit al-Ghashiya. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Al-Ataka hadith al-Ghashiya, ujuhun yawmaydin khashiya, amilatun nasiba » تصل النار حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Donc ici, الأتاك حديث الغاشية. الله عز وجل يعني خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأتاك حديث الغاشية. يعني الخطب يكون هناك خاص لكن كل عام كذلك لجمع الناس حتى نحن نستفيد من هذا الخطاب. فلماذا الله عز وجل يعني سأل هناك الاستفهام هناك السؤال هنا لتشويق حتى الشخص يريد أن يعرف الجواب. صح لما يسألك الشخص أنت تنتبه هذا نوع من أنواع الحوار نوع من أنواع الحوار. Donc ici Allah Azza wa Jalla dit bien, est-ce que tu es parvenu? Donc le récit de l'enveloppante, Al-Ghashiyah, celle qui recouvre, hein, le jour où les gens en vérité craindront ce jour-là. Donc aussi il montrera, donc ça sera en vérité dur, ça sera en vérité donc, un jour dur pour les gens, où ils vont en vérité ressentir cette lourdeur. Il y a un feu bien sûr qui sera très chaud. Et après, donc, il parle aussi des éléments de l'enfer. Et pourquoi Allah Azza wa Jalla commence à dire Hal Atak Hadith al-Ghashiya? Allah Azza wa Jalla commence par une question. Parce que lorsqu'on pose une question, la personne veut savoir la réponse. Elle est intéressée par la réponse. C'est une façon de parler. Un obsédé en vérité, une façon de parler. C'est un usloub. C'est une façon de parler justement pour que les gens en vérité. C'est un procédé pour que les gens soient intéressés. Ils veulent avoir la réponse. Lorsqu'on pose une question, les gens, des fois, ils veulent connaître la réponse. Donc c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla commence comme ça. Il y a un tachouir, il y a un désir de vouloir en vérité connaître qu'est-ce que cela. Donc aussi, Al-Ghashiya, c'est Al-Dahiya, Al-Azima, Al-Lati Tourchi Al-Nas. Donc en vérité, Wahiya Yom Al-Qiyama, Al-Lati Tahaddath Allahu Anha Fil Qur'an Al-Kathira. Wa wasafaha bi awsafin azimatin mithl qawlihi ta'ala Ya Yuhannas, ittaqu rabbakum inna zilzalat as-sa'ati shay'un 'azim. Par exemple. Donc le Rashia, c'est un nom parmi les noms du jour du Yom Al-Qiyamah. فَقَالُوا الْعُلَمَا فِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوا بِأَنَّ يُجَدْ تَكْمَنْ 80 اسم 80 اسم لهذا اليوم. فَقَالُوا الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. Les ulama ont dit qu'on retrouve près de 80 noms différents pour le jour dernier. Comme c'est le Rashia. يوم Al-Qiyamah, يوم الدين. Plein de noms, il y a énormément de noms. Yom Al-Tarabun, il y a plein de noms. On dit 80, les ulama ont rassemblé pas mal de 80 noms. Et ils ont dit que plus, en vérité, plus il y aura de pièces, donc plus il y aura de sens. Dans le sens, plus il y aura de noms, plus ce jour a de sens. Plus il est important. C'est pour ça qu'ils trouvent énormément de synonymes, énormément de noms différents, qui ont à voir avec ce jour-là, qui ont un lien avec ce jour-là. Et Allah Azza wa Jalla dit bien, aux gens, craignez votre Seigneur, car le tremblement de l'heure est quelque chose en réalité d'énorme. Le leur, ça, c'est le leur. Le où on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. فهناك كذلك يعني قسم الناس في هذا اليوم إلى قسمين. قسم الناس في هذا اليوم إلى قسمين. Même ce jour-là aussi, les gens sont en nombre de deux. Ils vont être en réalité en nombre de deux. Hein? Même s'ils sont en nombre de trois, on peut dire ça comme ça, ils sont en nombre de deux dans le sens où il y aura donc deux par deux, il y aura en vérité dans un camp deux catégories, et dans le deuxième camp une catégorie. Et on verra ça après, Inch'Allah. En vérité, son nombre de trois, mais dans deux catégories différentes. Hein? Donc ici, Qismayn, au jour où il y a au Madin Khashia, il y a une Khashia al-Zalila, comme à Ta'ala, ou à Talahum Yurriduna, Aleha Khashirina min al-Zulli, Yanvuruna min Tarafin Khafi. Donc en vérité, ils sont humbles. كل واحد منا خائف خاشع في هذا اليوم وكل واحد ينظر إلى الأرض ولا يستطيع أن ينظر هكذا كأنه لا يخاف من كل شيء. La personne va baisser la tête. Elle va être humble, elle va être soumise, elle va être dévote. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas venir regarder comme ça, comme s'il ne se passe rien. Comme si rien, tu n'as peur de rien. Tu auras tellement peur que ta tête elle sera baissée. Et tu vas regarder du point de l'œil. ينظر يعني من وجهه. Hein? Il va regarder en vérité, donc il y a une tarafe de khafi. Il va regarder en vérité du coin de l'œil, en cachette, comme ça. On vous dira vraiment de façon à ce qu'on ne le voit pas regarder. Donc c'est pas une façon, c'est pas là, on ne va pas tout le monde, parce qu'on a peur de rien, là, on peut se permettre de lever la tête, il n'y a rien qui nous empêche. Là, ce sera le contraire, ce ne sera pas. Donc c'est pour montrer un élément parmi les éléments difficiles de ce jour-là. Ça, c'est un élément parmi les éléments, en vérité, difficiles de ce jour-là. Il y a une bimana dalila. Amenatun ma'asiba. Il y a amenatun amanan yakunu bihin nasab wa huwa ta'ab. Qala l'ulama, dhalika ennahum. Ikallifun, hein. Kallifun yawma qiyamati. Bijari salasil wal aghlan, naam. Naam. Donc ici, en vérité, car pourquoi ils seront en vérité, ça sera un jour difficile pour eux. Car en vérité, il y aura des gens qui vont porter quoi? Ils vont porter des chaînes. Ils vont porter des chaînes lourdes avec eux. Ils vont traîner hein, ces bourrelets, hein, ces choses qui vont en vérité, ces boulets ou bien ces chaînes qui vont en vérité être lourdes pour eux. Ces chaînes qui vont en vérité être lourdes pour eux. Donc c'est non, c'est difficile. Il y a du tab. Il y a en vérité de la difficulté par rapport à eux. Wal-khawdu fin-nar jahannam. Et bien sûr, ceux qui vont plus se retrouver à Kulhad dans ce feu, كما يخوض الرجل في الوحل فهي عاملة تعب من العمل التي تكلف به يوم القيامة وتكلف به يوم القيامة لأنه عمل عذاب وعقاب وليس المعنى كما قال بعضهم أن المراد بها الكفار الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة ولذلك أن الله قيد هذا بقوله وجوه يومئذ أي وجوه تأتي الغاشية وهذا لا يكون إلا يوم القيامة. Donc Chir, il montre que c'est pas par rapport à ce que certains diraient qu'en vérité, que c'est par rapport aux mécréants, le fait qu'ils pensent qu'en vérité ils font du bien, et que c'est bien en vérité, au jour où il y a que c'est bien pour le jour dernier, que c'est pas par rapport à les choses de la vie d'ici-bas. Que c'est pas par rapport en vérité à la vie d'ici-bas. Farunaka yatribun yani. Tasra naran hamia. Tasra naran hamia. Yani, tatrulu finnari jahannam, wa nar hamia allati balagat fi humuha annaha. فضلت على النار الدنيا بسبعة وتسعين جزءا. Donc le feu, en vérité, qui est chaud, et on l'a vu auparavant, il est tellement chaud qu'il, en vérité, se retrouve avec 69 parties de plus que celle de la vie d'ici-bas. Que celle de, que le feu, que celui de la vie d'ici-bas. يعني النار الدنيا كلها بما فيها من أشد ما يكون من حرارة النار جهنم أشد منها بتسعة وتسعين بستة وستين جزءا. Comme il dit très bien, donc il parle bien de tous les feux. De la vie d'ici-bas. Et tous ces feux-là réunis ne sont qu'une partie parmi les 70 parties feux de l'enfer. Best Jews, Munsiben Jews, Fakat, Fakat. ويدلك على شدة حرارتها أن هذه الشمس حرارتها تصل إلينا مع بعد ما بينها بيننا وبينها. Donc déjà, hein, il y a بعد ما بيننا وبينها. Donc on voit déjà que la chaleur du soleil, elle est déjà forte. Pourtant, elle est très loin. Il y a combien de kilomètres le soleil? Des milliers, des millions, c'est quoi? Même c'est des chiffres algibres. Et pourtant, on a très chaud. Alors imaginez-vous, lorsque le soleil va se rapprocher, avec le soleil tout seul, il va se rapprocher d'un miles, un kilomètre et quelques, à côté des gens. Il sera très proche des gens. Tous comme une aïnine, aïnia. ليس لهم طعام إلا من ضريع تسقى يعني هذه الوجوه من عين آنية أي شديدة الحرارة من عين آنية يعني شديدة الحرارة هذه بالنسبة لشرابهم ومع هذا لا يأتي هذا الشراب بكل سهولة أو كلما عطش وسقوا إنما يأتي كلما اشتد عطشهم واستغاثوا كما قال تعالى Donc en fait, c'est pas l'eau qui est facile à boire, tellement elle est chaude. Tellement en vérité, lorsqu'ils vont voir en vérité ça, hein, tout comme une aïnia, ils vont boire en vérité donc de ruisseaux ou d'endroits qui abreuvent, mais de quelque chose qui est en vérité trop chaud. Quelque chose qui est très chaud et très difficile à boire. C'est pas quelque chose qui est sale. Alors que normalement, lorsque tu t'abreuves réellement, c'est avec des choses qui sont qui passe bien, ou c'est frais, la féline, ou c'est frais, ou bien si c'est chaud, mais parce que c'est du thé au corps, mais ça, une bonne température, ça passe bien. Tandis que là, non, ça passe en vérité d'une grande difficulté. Et ça les empêche pas toujours d'avoir toujours soif, encore plus soif. Ils ne profitent pas. Min hada al-ayn, min hada al-sharab, yani yazid, lahum, yani atcham, yazid ou lahum, al-sharab yazid ou lahum, atcham. En vérité, cette boisson, elle va en vérité ne faire qu'augmenter la soif. Ils auront toujours plus soif que cela. avoir, yeshui l'oujou. Et shalom hada yeshui l'oujou. Cette boisson, elle va quoi? Elle va griller, imaginez-vous, elle m'échoui, elle va griller les visages. Voilà ce qu'on va dire, hein, ça c'est min wasf al-jahannam. Allah Azza wa Jal wasf lana al-jahannam bidiqa hatta nakhaf. حتى نخافه سبحانه وتعالى لماذا الله عز وجل يخيفنا بذلك حتى تدخل في قلوبنا أو يدخل سبحانه وتعالى في قلوبنا الخاشية الله عز وجل nous a montré avec précision ce qui se passe en enfer c'est pour qu'on ait peur ولكن الحمد لله الله عز وجل كذلك وصفنا الجنة afin qu'on y soit attiré بالعكس بالعكس حتى يعني نعطش ما في الجنة justement afin qu'on ait soif de ce qu'ils ont en vérité dans le paradis qu'on ait ce désir qu'on ait ce désir, on va être fort. وَهَدَ الْمَا إِذَا تَرُبَ مِنْ أُجُوهِهِمْ شَوَّاهَا وَتَسَاقَتَ لُحُمَا وَتَسَاقَتَ لُحُمَا هَدَ الْمَا إِذَا تَرُبَ مِنْ أُجُوهِهِمْ شَوَّاهَا وَتَسَاقَتَ لُحُمَا انظروا. Ne serait-ce que le fait que de rapprocher. Que le fait de rapprocher, c'est tellement chaud que ça suffit pour qu'en vérité, ce qu'il y a, la viande, elle tombe. La viande déjà tombe du visage. Et le visage en vérité déjà, elle tombe déjà. وَسُكُمَاءَ حَمِيمَا فَقَطْعَ أَمْعَاءَهُمْ. Donc bien sûr, ils ont reçu donc de l'eau chaude. Ils ont reçu de l'eau chaude. Et quoi? Et c'est même leurs intestins, les intestins qui se sont cassés, qui se sont en vérité arrachés. Les intestins eux-mêmes se sont arrachés. Et parce qu'ils ont bu cette eau chaude. Donc même à l'intérieur, donc c'est pas que l'extérieur, c'est l'extérieur et l'intérieur. Même à l'intérieur, en vérité, hein, ça s'arrache. Donc, en dhuru. L'estafidu min hada al-ma, la. Yani kharijyan ou zahran ou la batina. Ma fi faïda min hada al-ma. L'estafidu min hada al-ma, la. Yani dakhil, hein, fil dakhil ou la fil kharij. Il profite pas en vérité de ces dons, ni extérieurement, ni intérieurement. Il n'y a pas de profit du tout. Ça, en vérité, c'est que du mal pour eux, c'est pas un bien, pas un bien. Alors que, العكس المفروض يعني الشيء المشروب يعني المشروب الحقيقي يفيد الناس قدر ما يفيد يعني في الخارج إذا اغتسلت مثلا وإذا شربت normalement l'eau elle est profitable extérieurement et intérieurement que ce soit si tu te laves par exemple ou tu fais ces ablutions ou voir aussi si tu bois si tu bois en réalité تمام هناك الماء هنا ممكن شخص ممكن يسأل كيف يكون الماء في جهنم مع أن يعني في العادة هناك الماء يطفي النار هذا السؤال كيف يكون الماء في جهنم والماء في العادة يطفي النار comment ça se fait qu'ici on voit de l'eau en enfer alors que l'eau naturellement il éteint le feu hein, par sa nature فنحن نقول ونجيب بأن أولا أن ما في الآخرة ليس يعني كما نعرفه في هذه الدنيا يعني العادة في الآخرة ليست كالعادة في هذه الدنيا. Déjà premièrement, les habitudes qu'on va, les usages qu'on va retrouver dans l'au-delà ne seront pas les usages qu'on retrouve dans la vie d'ici-bas. Ça n'a rien à voir, même si c'est les mêmes noms. C'est des choses qui sont totalement différentes. نعم. وثانيا أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. أن الله عز وجل على كل شيء قدير. فهو الذي اختار لذلك هكذا. نعم. فليس له طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع الضريع يعني قالوا أنه شجر ذو شوك عظيم إذا يبس يرعاها ولا البهائم يعني يلعاه ولا البهائم donc ils disent ici ils n'auront de nourriture que du ضريع ضريع ils disent que c'est un arbre que c'est un arbre une fois qu'il est sec un arbre épineux avec des épines et qu'à l'origine c'était si cet arbre est sec même pas l'animal n'y s'approche ici dans la ville d'ici-bas. Même si, imaginez-vous, la chèvre ou le chameau voudrait manger, il ne s'approcherait même pas de cet arbre. Ma fille Ferida. Voilà Isminu, voilà Yuni Minjuriani. La Yufienfa, la Yenfa, l'Abdel, Fizahiriha, Fizahiriha, voilà Yuni Minjuriani, Fala Yenfa, Fibatiniha, Fahua Laikum, Lachera Fihi, Laisa Fihi, il a chaud. إلى الشغل والتجرر العظيم والمرارة والرائحة الممتنة التي لا يستفيدون منها شيئا إذن لا في الأكل hein, là كذلك هو يعني لا يفيد. Donc non seulement il va pas en profiter par rapport à la nourriture, ça va le blesser, et en plus c'est amer, et en plus ça quoi, ça sent mauvais. Il fait que lécher, c'est amer, ça sent mauvais, ça en pique, ça pique, et en plus il n'en profite pas, c'est pas nourrissant, c'est pas nutritif à coucher, c'est pas nutritif du tout. فهذا الذي لذلك قال الله عز وجل لا يسمن ولا يغني من جوع. فهذا مثل لكل ما لا يفيد. الناس إذا سمعوا الشيء لا يفيد يقول لا يسمن ولا يغني من جوع. بمعنى لا فائدة له. هذا المعنى. Ici الله عز وجل يبين لك un exemple. لا يسمن ولا يغني من جوع. Ni il le fait grossir, ni il va progresser. Et ni en vérité il va calmer ta faim. Et ce verset-là, on l'entend des fois dans la parole des Arabes. Pour mentionner quelque chose qui n'est pas important et qui n'est pas profitable. Ils disent Laïus minu wa laïurni minjou. Maintenant, en vérité, ce n'est pas profitable ce que tu es en train de dire ou bien ce que tu es en train de faire, par exemple. Thumma, lamma zakra Allah azza wa jal, ahl al-nar, raja'a ila ahl al-jannah. Ahl al-jannah, faqal, ujuhu yawma din na'ima. L'axe, onaka ujuhu yawma din na'ima. Lisa'iha aradiya, fi jannatin aliya. فهناك القسم الثاني من أهل الجنة أي ناعمة بها أعطاها الله عز وجل من السرور والثواب الجزيل لأنها عملت ذلك وهي في قبورها وعلمت ذلك وهي في قبورها فإن الإنسان في قبره ينعم ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها فهي ناعمة. نعم هكذا الشخص في قبره يعرف يدري هل هو من أهل النار أو هل هو من أهل الجنة. إذا يعني قبض الله عز وجل روح المؤمن خلاص في القبض لما يأتيه ملك الموت هو يعرف من أوله تبدي يعني تأتي وتبدوه يعني البشرى يقول يا أيتها النفس الطيبة ارجع إلى مغفرة أو رضوان من ربك. Dès le début. Dès que la personne elle meurt, elle le sait. L'ange de la mort lorsqu'il vient, lui dit, ô bonne âme, reviens vers le pardon et l'agrément de ton Seigneur. Fayatihi Malek, Jamil. Fayati Bouchar Oula. Ça commence déjà par la première annonce. Il est beau. Il prononce des bonnes paroles. Yada, Hada, il y a le roh, Adi Roh. Hiya Roh. Lama takhruj min al-nafs. Min al-jism. روح النفس نفس الشيء ولكن النفس إذا كانت الروح في الجسم إذا خرجت من الجسم فأصبحت الروح. فبعد ذلك lorsque tu entends نفس lorsque tu entends en vérité روح c'est que نفس c'est lorsque روح il est à l'intérieur et là, dès qu'il sort c'est plus نفس on l'appelle روح. Il se retrouve déjà donc comme on l'a dit il voit un ange qui est beau, c'est une bonne annonce. Il lui dit des bonnes paroles, c'est une bonne annonce, c'est déjà l'épreuve de départ. ثم يأتي الملك يعني عدت ملائكة. Il lui vient avec d'autres anges. لأن ملك الموت يعني مهمته فقط أن يقبض الأرواح فقط. Lui, son travail, c'est juste de prendre les âmes. D'après, il ne fait plus rien. وَإِذَا عَافِي donc il prend les âmes, il vient des anges, et eux, ils vont placer justement, donc ils vont prendre cette âme et le placer dans des linceuls. أَفِي كَفَنْ أَلَيْتِ فِيهِ يَنِي رَيْحَةَ الْجَنَّةِ مِسْكَ الْجَنَّةِ. Donc encore une fois, des bonnes annonces. Un beau linceul, doux, naïf, très doux, et aussi quoi, avec une très bonne odeur, bonne odeur du musc du paradis. حتى يذهب إلى السماء الدنيا. فيسألون الملك حتى يفتح الباب. Donc il demande à l'ange, afin que l'ange en vérité ouvre la porte. فيقولون من هذه النفس الطيبة. Il demande qui c'est cette bonne âme. فيقولون فلان ابن فلان. فيسمونه بأفضل أسمائه في هذه الدنيا. Il vous dit un tel fils d'un tel. فالفائدة لك ولأبيك لأنهم يسمونك أنت والأب فلذلك الأب يهتم بتربية الأولاد حتى يستفيد من هذه الأشياء. وهذا هو غيرت الأب لا فائدة كيا pour que le père aussi il éduque dès ses enfants un tel fils d'un tel. C'est une nirma pour le père, il est content de faire, ça fait plaisir au père de savoir comment son fils il serait comme ça ma femme. فتفتح حتى يأتي إلى السبعة إلى يعني الجنة فيبقى في الجنة يعني مدة حتى يدخل في القبر لأن الروح ذهبت والجسم ذهب إلى القبر. فلما أدخل القبر خلاص الروح ترجع إلى القبر. فيأتي الملكان أسودان أزرقان فيسألانه Donc il lui pose des questions les deux anges. ثم ياتي رجل جميل فهو يقول له من انت كانك تاتي بالبشرى يعني لو دي كي توي جي امبريسيون سي بون انونس كو تو فامي فامي فيقول انا عملك يعني بمعنى الكلام انا عملك ها اي لي مونت جو سوي توان جو سوي ان فيريتي تي بونز اكشن جو سوي تي اكشن il est beau il a خير et après il montre donc il voit et à ce moment là puis alors il dit afleshuhu hein bil janna lorsque alors il parle de ce cet temple qui va s'élargir afleshuhu bil janna فماذا يقول هو ماذا يقول هو يقول اي ربي اقيم الساعه مستعجلا انا ها مستعجل يريد ان تقام الساعه لانه يعرف ان ما في الجنه افضل مما في القبر هو يلعب في القبر لكن عرف ان ما في الجنه افضل مما في القبر لذلك يقول ذلك اذن دليل بان الشخص في القبر يعرف ان الجنه يعرف اين مصيره اين مصيره دونك il sait en vérité où il va se retrouver celui qui est dans la tombe. Et lorsqu'il est dans la tombe, il demande à Lazare de l'empresser de quoi ? De faire vivre, de faire avoir d'être ressuscité afin que l'heure survienne. Or Allah fait survenir l'heure, il est très rapidement, car il sait que ce qu'il y a après la tombe est encore meilleur. Bikhilaf al-kafir. Yaqul ay rabbi la tuqim as-sa'a. Arafa anna al-'adhab fi jahannam ashad min al-'adhab min al-'adhab ayna fi yani al-qabr. Le contraire avec le méfiant qui dit oh, Monseigneur ne fait pas survenir l'heure, car il sait réellement que ce qui va lui arriver en enfer sera bien pire et plus grave que ce qui va arriver en vérité dans la tombe. فهناك إذن لسعيها راضية أي لعملها الذي عملته في الدنيا راضية لأنها وصلت به إلى هذا النعيم وهذا السرور وهذا الفرح فهي راضية لسعيها بخلاف الوجوه الأولى فإنها غاضبة. Donc ici, on voit que يعني النفس فرحانة مسرورة راضية بما عملت. Donc elles vont en vérité, ils sont contents de ce qu'ils ont fait. Ils sont en vérité, ils ont agréé, راضية. وما في شيء ما في يعني مرتبة أو درجة أفضل من الرضا. Il n'y a pas en vérité de degré qui est meilleur que الرضا, l'agrément. Parce que tu ne pourras pas faire mieux que agréer. L'idée est qu'Allah Azza wa Jal, قال يعني رضي الله عنهم ورضوا عنه. فما قال يعني كلمة أخرى. Il a utilisé pour les compagnons. Allah a agréé de eux et ils ont agréé de lui. Les meilleurs. De lui envers eux et de eux envers lui aussi. La meilleure en vérité position. Il n'y a pas meilleur que rضا, que l'agrément. Tu ne pourras pas en vérité faire mieux. Si tu veux agréer totalement, tu ne pourras pas faire mieux que cela. C'est le meilleur degré. في جنة عالية. الجنة. الجنة هي الدار النعيم التي أعد الله عز وجل لأوليائه يوم القيامة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر على قلب البشر لذلك يقول الله عز وجل فلا تعلم النفس ما أخفي لهم من قوة أعين جزاء بما كانوا يعملون نعم تعقل الجنة ما لا عين رأت ما لا أذن سمعت وما خطر على قلب البشر بمعنى لا تستطيع يا عبد الله أن تفكر كيف هي الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن ما خطر على قلب البشر فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عبد الله لا تستطيع أن تتأمل كيف الجنة لأنك لا تستطيع أن تصل إلى نتيجة donc ici déjà الله عز وجل النبي donc le paradis c'est bien l'endroit donc c'est bien quelque chose dont nul œil n'a vu, nul ouï n'a entendu, et nul en vérité pensé n'a traversé le cœur. Tu peux essayer de penser ce que tu veux du paradis, tu n'arriveras jamais à un résultat. C'est pas la peine de te fatiguer, dès le départ. Toi, espère le paradis sans dire ah, le paradis va être comme ça. C'est pas la peine d'imaginer. Allah Azza wa Jal, il nous a parlé des éléments du paradis afin que l'on prenne désir, tout simplement. Mais c'est pas pour t'imaginer, c'est comme ça, ça sert à rien, parce que tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas. Et Allah Azza wa Jal dit bien. Chaque âme ne sait pas ce qui leur a été caché, donc de ce qui est bien pour les yeux, en récompense de ce qu'ils ont fait. Jaza. Haydi jaza. Sabab. Al-amal sabab. Al-amal sababun li rahmatillah Azza wa Jal. Wa rahmatullah Azza wa Jal hiya al-sabab al-sahiha al-wahida li dukhul al-jannah. يعني ولكن تحتاج الى العمل حتى تصل الى الرحمه والرحمه هي التي تدخلك الجنه رحمه الله عز وجل وليس عملك فقط. إنما رحمة الله عز وجل بعملك. Donc voyez, il y a une différence. Sache que tu ne retrouveras pas au paradis par tes actions. Mais en vérité, par la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Mais tes actions vont amener à la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Vont en vérité, tu vas arriver à quoi ? À acquérir la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, à obtenir cette miséricorde. Et cette miséricorde qui est, elle, en vérité, le vrai moyen, le vrai but de pouvoir rentrer au paradis. Ça, c'est ça le vrai sabab. Le vrai sabab, il est là. C'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Et on connaît la personne qui a adoré Allah Azza wa Jalla des centaines d'années. Lorsqu'Allah lui a dit d'entrer au paradis, par ma miséricorde, il a dit non, par mes actes. Et lorsqu'ils ont dit, donc, mettez dans la balance ses actes, et mettez-lui la vue, un œil, juste un œil. L'œil était plus lourd que ses actes. Pourtant, il a duré sans arrêter, des siècles et des siècles. Car les peuples d'avant, ils vivaient des siècles et des siècles. Ils vivaient beaucoup plus que nous. C'était pas suffisant. Alors que dire de nous, 70 ans, maintenant? Imaginez-vous. Donc, un œil. La miséricorde qu'Allah te fait, le fait de voir toutes les ni'amas que tu as vues toute ta vie, tu vois pas une seule ni'ama, tu vois que des ni'amas. Parce que tu vois ici, fichar sin wahel, il y a une aidat ni'am. Fichar sin wahel. Rien que sur une personne, on peut voir énormément de ni'ama. Dire shars, il a allé min qal, il y a yashtaki, min killati malihi. Ma kan a'adou mali la qalim. Donc il y a quelqu'un qui se plaignait d'avoir peu d'argent. Fal'alim qalu, qala lahu, al ashtari minka, ni a'inaki. بمئة ألف قال لا عين آخر بمئة ألف قال لا الأذن يعني عدة يعني عدة يعني أعضاء من عدو من أعضاء يعني جسمه قبل أن تلاقيك السافون لو أ مصلي لدي est-ce que tu me vends 100 tu me vends ton oreille 100 000 non l'autre 100 000 non une oreille 100 000 il a mentionné énormément de membres de son corps il a dit non فقال أنا أرافيك يعني مئات je vois chez toi مئات ألوف يعني je vois chez toi des centaines et des centaines de milliers et tu plains. بمعنى الله عز وجل أعطاك الصحة أعطاك الذكاء أعطاك أشياء فلا تشتكي لقلة مالك لقلة مال فكيف بشخص واحد فكيف نحن بخمسين شخص الآن كل يوم بسكوان تحصل الآن بس لحظة واحدة ترى يعني نعم كثيرة جدا تتوى كنت كنت تشوف أنت دي ميلي نعمة en vraiment en une seule vie vite fait. Alors que dire de toute la vie? Si c'était dénombré, si c'était compté, tu mets dans la balance tout ce que tu as fait quand même, ça vaut rien devant en vérité les ni'amas que tu es en train de voir, que tu as vu, que tu vois. Hein? Dans toutes les choses, que ce soit par rapport à ta famille, à toi-même, hein? Malgré tout ce que tu peux t'imaginer, la nature, tout, après, tout ce que tu as vu. C'est bien au-dessus en vérité de ce qu'on œuvre, largement. Donc regardez, pourtant c'était une personne qui avait adoré Allah Azza wa Jal des centaines d'années. فنكتفي بذلك ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكرة إن شاء الله في نفس الوقت